J'étais au bureau des animateurs du camping pour connaître les animations prévues aujourd'hui. Oh, très bien. Pour voir les animateurs, pas plutôt les animatrices. Et surtout, la belle Maria, pour ses beaux yeux noirs et ses cours de samba à 17h. Tiens, Didiana, sur la playlist, mets-nous voir la 5, c'est la chanson préférée de Bertrand, je crois bien. Ok, ça roule. Maria, ne reste donc pas au fond de ta favela. Mais laissons faire un tour à Copacabana, car sans toi le carnaval semblerait banal. Pieds fleurent le sable du rivage. Même les vagues n'osent plus glisser sur la plage. Hélas, la mer ne sait pas danser la samba. Samba Maria, tu as la peau cuivre et les yeux de chat. Samba Maria, tu es la plus belle des cariocas. Les yeux de chat, Samba Maria, tu es la plus belle des cariocas. Maria, n'écoute pas le sorcier qui vient de Bahia. Laisse tous tes gris-gris, laisse tes macumbas. Si tu veux tomber en transe, il y a la danse. Les filles, faut être sérieux, on a une émission spéciale vacances pour Fadjet à faire. Il faut qu'on fasse des chroniques. Eh bien, on n'a qu'à raconter nos vacances. Ah oui, quoi par exemple? Eh bien, qu'on va tous les après-midi à la plage. On the beach, comme ils disent les Américains. DJ Ala, t'es prêt? Mets la chanson numéro 9 sur notre setlist. Ok, ça va le son, adopte. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est l'été sur Fadjet. Thank you. Thank you. Bon, les gars, c'est bien beau tout ça pour la musique, je crois qu'on a ce qu'il faut, mais pour notre émission, il nous faut aussi des bons plans. Eh bien, on peut parler des cocktails, celui Montalo, par exemple de l'Happy Hour à 18h au bar du camping, ça c'est un bon plan. Tu parles deux verres pour le prix d'un. Montalo, t'as dit ? Bertrand, DJ Alain, sur la playlist, envoie la deux. Ok, j'envoie. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. La, la, la, la. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La, la, la, la. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur Montalo cherchaient du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Plus jolie des mythos, couleur Montalo. Mmh. Bon, la Dream Team, faut être sérieux, il nous faut aussi une chronique santé, c'est important. Eh bien, on n'a qu'à dire que chaque jour, on marche pour aller à la plage, ça c'est du sport. Que l'on joue aux raquettes de plage, ça c'est aussi du sport. Et après qu'on fait une sieste sur le sable en se protégeant bien avec de la crème solaire, mais mieux encore sous un parasol, parce que le soleil, c'est très mauvais pour la peau. Ça, c'est un super conseil santé qui est bon pour le corps et pour la tête, non? Bon, eh bien voilà une chronique faite en 40 secondes et Valmos à la playa. Bonne idée, Bertrand. DJ Alain, mets-nous voir la neuf de notre pénis Maxi 45 tours des années 80. Ok les gars, ce soir, tout le monde danse avec le DJ Alain. Vamos à la playa. Bon, la Dream Team, finalement, avec tout ce qu'on a dit comme bêtises, je conviens qu'on l'a, notre émission. Elle est dans la boîte, comme on dit. Et ça, c'est du travail de pro. Et vous pourrez retrouver cette émission, chers auditeurs, en podcast tout l'été, durant vos vacances, vous aussi, quand vous serez sur la plage, avec Fadjet.net, sur la rubrique Les Blancs Plans Solidaires 2024. Bon, la Dream Team, on dit au revoir à tous les auditeurs de Fadjet. On vous souhaite à toutes et tous de belles vacances. Mais vous nous retrouverez à la rentrée, cette fois-ci un peu plus sérieusement. On va pas rentrer avant septembre parce que je crois bien qu'ici, avec 28 degrés dans l'air et 24 dans l'eau, ça va être dur de remonter à Nancy. Si on rentre, parce que moi je me plais bien ici, je resterai bien 2 mois. Ah oui, c'est chouette les vacances. Bon les gars, vous dites au revoir, il faut préparer le barbecue. Il y a du pain? Oui, oh, oui Didier Alain. Il y a du pain, il y a du poussin. Tu mets une dernière chanson, Didier Alain? Ok les gars, pour mettre l'ambiance, j'envoie Holiday qui me dit en vacances en anglais une chanson de Madonna, version Maxi 45 tours. Ça va déporter. Bonnes vacances pour le monde et profitez de l'ambiance. Ok, ciao tout le monde.